Ça va le rein, rein qui est le rein. Ça va le rein, je vais tirer de bord, je vais tirer de bière. Ça m'écoute au bar, ça m'écoute au bir. Miss, dans la fête à bar, toi comme elle est beurre. Sa copine elle est morte, putain comment se tape de bar. Je me lève pas tôt, je fais un petit tour dans ma ville à tort. Si je veux me payer, il faut le voyage à bord. Ça faut même laisser tout jusqu'à bord. J'ai grandi là où ça fait des vols de raquettes. Là où l'espoir c'est passer de la Twingo au Huracan. T'as fait le tour du bat en la quête. Dans la ville y'a la cote que ça job demande à la gratte. Tu fais des dingueries pour le buzz, putain que Dieu te guide. La vie te met des gifs, tu peux vite finir, regarde vite. J'ai les pieds dans l'espace, le vécu dans la tête. T'as le bonheur, j'ai tellement entendu que maintenant quand je le vois, je le laisse passer. Je suis personne, je vais pas le juger si le poteau deal. J'ai pleuré, j'ai fait tomber des larmes sur le crocodile. Je t'aide de bon cœur, mais tranquille, moi je suis pas utile. Ça fait les mecs fiers et après ça suce quand y'a le nouveau Audi. Hein, je fais pas les magasins, je suis dans les magazines. Je croise le Schmitt, j'ai les yeux rouges. Mon frère me dit de dire que je suis pas gazé. Qu'est-ce que tu fais le mafieux russe? Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et après ça te ruse. Ça me frustre. Une alice, ça me fait chaud au cœur quand je repasse devant la cerise et les balustres. J'ai mis la fiche cachée dans le sac où y'a la paye. Je l'ai oublié, je roulais à balle comme un skate, je passe sa capteille. Un 3 Marseille dans la ville, ça sent la Californie. Je joue pas un jeu avec moi, on va s'embrouiller pour rien. Mon lumière éteinte, que je passe dans le nord comme Tupac. Pour la famille, je peux d'aide. C'est que chez nous, on tue pas. 25 albums, je fais des scores comme si je venais de commencer. Ma vie, des fois, c'est pas ça, mais bon, pas besoin de romancer. Tu dis pas tes projets, ça va chercher à devancer. Si tu changes quand tu réussis, tu chutes avec un grand C. J'en ai marre, assez. Des fois, je veux tout casser. On m'a dit, c'est bien, tu fais des sons, mais bon, on s'en fout tout placer. L'affaire de stup, les civils veulent te ramasser. Moi, la street, ça m'a lassé. Faut que je me ressource en talasso et t'es un sick. Ça m'a niqué les yeux, on fume que le shit dans la salle. Y'a des traits dans la zone, y'a du TP sur la sap. Non, parlez l'italiano, je vais zoner dans Milano. Sera sous Mexicana, cana. Mon poteau va piano, piano. Originaire de là où ils sont tous criblés les panneaux. En fumette, on fait le trajet Marseille-Paname. J'ai ma chérie, je calcule pas les autres, même si elles sont canons. À Marseille, que ça tire, ça construit les cadavres. Ça rentre dans ta maison, ça met ta moto dans le camion. Là, j'en roule un, je vais y aller. Toi, je te fais pas confiance parce que je sais pas ce que tu dis à lui. J'ai vu des gens donner à des gens que par intérêt. J'ai vu des gens se coller à des gens que pour internet. J'fais pas le mat parce que je sais qu'on a qu'une vie. Y'aura toujours un calme si tu fais le Bruce Lee.